je vous dis hypnose, vous pensez sans doute immédiatement au serpent K du Livre de la Jungle ou encore aux séances d'hypnose collective qui transforment d'honorables personnes en poules ou en chats. Au-delà des images d'Épinal peu flatteuses, l'hypnose et la suggestion hypnotique font pourtant l'objet d'études en neurosciences depuis plus de 2 siècles et ces études permettent de lever progressivement le voile sur des mécanismes cérébraux ayant trait à la conscience ou encore à la douleur. L'hypnose et la suggestion hypnotique s'affirment donc comme de précieux outils de recherche fondamentale, mais aussi comme des moyens de développer de nouvelles approches thérapeutiques. Hypnose, vos paupières sont lourdes, il était facile, c'est le programme éveillé qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de tout cela, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Lionel Nakache. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, neurologue et neurophysiologiste, chercheur en neurosciences cognitives à la Pitié-Salpêtrière et vous êtes l'auteur entre autres du livre Le cinéma intérieur, projection privée au cœur de la conscience, paru chez Odile Jacob. Nous sommes également en ligne avec Antoine Bioy. Bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien, professeur de psychologie clinique et de psychopathologie à l'université Paris 8 et vous êtes le co-auteur du livre La révolution de l'hypnose aux éditions Duno. Mais avant de nous plonger dans les méandres cérébraux de l'hypnose, ayez confiance, il est l'heure de retrouver notre cas à nous. Il s'agit de Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Antoine. Et on commence ce journal avec une étude parue dans la revue Nature Astronomy. Les explosions de novae sont des sources de rayons cosmiques. Oui, l'origine de ces particules qui voyagent dans l'univers à de très grandes vitesses reste encore mystérieuse. Les chercheurs de la collaboration MAGIC ont observé l'explosion, en 2021, d'une étoile binaire bien connue des scientifiques, RS Ophiuchi, ou RS OFF pour les intimes. Elle est située à environ 5000 années-lumière de nous, et c'est une nova récurrente, c'est-à-dire qu'elle explose régulièrement, environ tous les 15 à 20 ans. Alors cette explosion est causée par l'interaction de ces deux étoiles, une géante rouge et une naine blanche qui tournent l'une autour de l'autre. La naine blanche attire une partie de la matière de la géante rouge, il y a un transfert de matière entre ces deux étoiles, et petit à petit, l'accumulation de cette matière à la surface de la naine blanche va provoquer une explosion nucléaire. C'est ce que la collaboration MAGIC a mesuré très précisément. Pierre Carvella est astronome à l'Observatoire de Paris. Cette étude est originale parce qu'elle a observé cette explosion dans un domaine de longueur d'onde qui est assez nouveau, c'est-à-dire dans les très hautes énergies. Ce sont des photons qu'on appelle des photons gamma. Et cette étude rapporte la détection de photons gamma, donc de lumière de très haute énergie, en provenance de cette étoile qui a eu cette forte explosion qu'on appelle une nova. Et lors de cette explosion, on sait qu'il y a une très forte accélération de particules, donc comme dans une explosion nucléaire, de bombe nucléaire, hein, une très forte accélération de particules, et cette accélération-là, elle produit des photons de très haute énergie, elle produit des rayons gamma. Donc c'est quelque chose qu'on attend en fait, hein, puisqu'on a une explosion thermonucléaire, eh bien on a production de particules très énergétiques et de photons également très énergétiques. Ils ont été détectés dans une gamme de l'ordre du giga électronvolt jusqu'au tera électronvolt, donc une énergie extrêmement élevée hein, pour des photons. Selon les auteurs de cette étude, les supernovae peuvent envoyer des rayons cosmiques à travers toute la galaxie, tandis que les novae, elles, ne contribuent aux rayons cosmiques que dans un voisinage proche, sur seulement 30 années-lumière autour d'elles, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que dans l'étude de l'équipe MAGIC, il est indiqué que effectivement, ça peut être une explication pour la formation de bulles, en fait, de bulles créées par ces rayons cosmiques autour des lieux des explosions. Alors, une nova, c'est beaucoup moins énergétique qu'une supernova. C'est normal parce que l'étoile n'est pas détruite, en fait, la naine blanche n'est pas détruite par l'explosion. C'est juste ça, la matière qui est à sa surface qui explose. Mais voilà, c'est quand même effectivement un mécanisme qui peut créer des bulles tout à fait impressionnantes en termes de dimension autour de lieux des explosions, des novae. Et comme chaque jour, vous pouvez retrouver cette étude ainsi que toutes les suivantes sur notre fil Twitter, @laméthodefc. Et on passe au brève. La start-up américaine Bionaut Labs a créé des micro-robots injectables destinés à soigner le cerveau. Oui, et la FDA, l'équivalent américain de notre Agence nationale de sécurité du médicament, vient d'approuver des essais cliniques. Alors, la société a testé sur des animaux ces micro-robots plus petits qu'un grain de riz. Ces petits cylindres métalliques sont téléguidés dans le cerveau par magnétisme grâce à des bobines magnétiques placées à l'extérieur du crâne. L'idée, c'est de délivrer les médicaments à la source une fois arrivés à destination. Ils pourraient être utilisés pour traiter le syndrome de Dandy Walker, qui provoque des kystes, ou pour soigner le gliome malin, une tumeur cérébrale. La société pense pouvoir étendre cette technologie à d'autres pathologies comme Parkinson, l'épilepsie ou les AVC. Des premiers essais cliniques sur l'humain devraient avoir lieu dans 2 ans. En bref, toujours, selon une étude parue dans Advances in Space Research, nous avons découvert la plus ancienne description d'aurore. Les premières descriptions d'aurore étaient vieilles du 7e siècle avant notre ère. Des chercheurs américains et japonais ont examiné les annales de bambou, une chronique de l'histoire de la Chine rédigée sur des bambous. Leur analyse philologique montre que cette étoile floue, que cette lumière à 5 couleurs décrite dans le texte, n'est pas une comète, mais bien une aurore boréale. Une aurore qui aurait eu lieu entre 977 et 957 avant notre ère et qui a été provoquée par une tempête géomagnétique extrême. Et enfin, une étude parue dans la revue Physics of Fluid présente l'équation des pâtes al dente. Et lors du confinement, les physiciens américains ont continué leurs travaux à la maison. Ils ont analysé les phénomènes chimio-mécaniques, hydrostatiques et dynamiques lors de la cuisson des pâtes. En testant différents temps de cuisson, les chercheurs ont donc mesuré l'élasticité des spaghettis et ont étudié comment les pâtes gonflent, se ramollissent et deviennent collantes lorsqu'elles absorbent de l'eau. Ils proposent dans cette étude les équations qui régissent les interactions entre les nouilles entièrement cuites et démontrent qu'il existe une relation entre l'adhérence, la texture mécanique et la cuisson. Lorsqu'elle est cuite, donc gonflée et ramollie, l'action capillaire déforme plus facilement la nouille. Quand on vous dit que la science est partout, merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain journal des sciences. Voilà plus de 200 ans que l'hypnose est au cœur de recherches qui ont beaucoup évolué, tant dans leur protocole que dans les résultats obtenus. Utilisée dans le cadre de recherches fondamentales sur les mécanismes cérébraux, mais aussi dans un cadre thérapeutique, l'hypnose et la suggestion hypnotique ont intégré des domaines scientifiques de pointe, en partie grâce au progrès de l'imagerie cérébrale et des thérapies liées au traitement notamment de la douleur. Alors avant d'établir cet état de lieu de la recherche autour de l'hypnose et de la suggestion hypnotique, je vous propose d'écouter un extrait de l'émission Les chemins de la connaissance. Sur France Culture, nous étions en 1996. Certains des disciples de Mesmer pensent au fond que ce que Mesmer appelle le fluide n'est rien d'autre qu'une métaphore pour parler de la circulation de l'imagination, de la circulation du sentiment, beaucoup plus que d'une énergie psychosomatique. Et certains de ces disciples, donc, considérant qu'il n'y a pas vraiment circulation du fluide, s'intéresseront beaucoup plus au processus psychique qu'au processus somatique. Et parmi eux, donc l'abbé de Faria, au début du XIXe siècle, considère qu'essentiellement, ce qui se met en place entre les thérapeutes et les patients n'est pas une circulation d'une quelconque énergie qui serait l'analogue de l'énergie électrique ou de l'énergie magnétique. Ce qui se met en place, c'est essentiellement l'éveil par les thérapeutes de facultés psychiques latentes, endormies, qui existent dans l'âme du patient. De façon telle que là, dans cette école de Nancy, ce qui se met en place, c'est l'idée que nous avons affaire, non pas à un processus vital, biologique, à une communication entre le psychosomatique de l'un et le psychosomatique de l'autre, mais d'une façon beaucoup plus stricte, à une communication interpsychique entre l'esprit du thérapeute qui suggère une idée, et l'esprit du patient qui est prêt à recevoir cette idée. Voilà pour cet archive de 1996, Antoine Bioy, une réaction à ce que vous venez d'entendre. Expliquez-nous un petit peu aussi quand est-ce que l'hypnose est arrivée à débouler dans le champ des études scientifiques ? Oh, très, très tôt, puisqu'en fait Mesmer, qui a été cité, donc on est à la fin du XVIIIe siècle, était un enfant des Lumières et il souhaitait prouver scientifiquement sa théorie. Donc il s'est vraiment prêté de bon jeu en fait aux expérimentations qui lui étaient proposées. Et donc on a eu assez rapidement, c'est-à-dire depuis deux siècles en fait, un crescendo, on va dire, dans les études qui ont été proposées. Alors ensuite, comme l'indiquait indirectement la personne dans le documentaire, c'est une question de définition parce que effectivement lui partait de la question du fluide. On est arrivé progressivement à la suggestion, qui d'ailleurs n'a pas quitté le champ de l'hypnose depuis lui, mais on est un peu revenu sur le fait qu'il n'y avait que la suggestion. Et sans doute qu'on va discuter ensemble durant cette heure de finalement qu'est-ce qui se passe également dans la dimension de la relation, c'est-à-dire dans la rencontre entre une personne et un patient, au-delà de la suggestion, et qui fait l'objet de recherches, y compris très actuelles, sur, on va dire, la subjectivité, et également les mouvements de rencontre entre deux personnes, de façon à pouvoir provoquer l'événement hypnotique. Lionel Nakache, une réaction à cette archive et à cette déjà longue histoire, même si tout le monde n'en a pas conscience, d'une interaction entre les neurosciences et l'hypnose. Oui, c'est une très longue et belle histoire, et riche histoire, et qui est sans cesse revisitée, absolument. Et ma réaction, peut-être à la lumière très brève de l'archive, elle est sur deux points. Le premier, c'est qu'effectivement, on reformulerait peut-être les choses de la manière suivante aujourd'hui, c'est qu'effectivement, si on prend le domaine de la perception, par exemple, il est classique de comparer et de dire qu'en fait, la perception emprunte deux chemins en nous. Un chemin qui monte du monde extérieur vers nous, ce qu'on appellera du bottom-up, un phénomène montant, et puis un phénomène descendant, top-down, où en fin de compte, on va projeter selon nos attentes, nos connaissances, nos désirs, ce que l'on a envie de trouver, etc., quelque chose. Et pour le résumer, on pourrait dire que ce qui va être exploré dans le monde de l'hypnose, de la suggestion, etc., ça va être essentiellement deux choses. Ça va être l'exploration de cette voie descendante. Comment, en fait, simplement par une modification de notre posture face à ce qu'on est en train de percevoir, on va pouvoir modifier l'objet même de notre perception, en fait, notre expérience subjective. Donc ça, c'est la première réaction. Il y a ici ce que disait Antoine Bioy, ça veut dire l'aspect intersubjectif, au-delà de l'aspect solipsiste, on pourrait dire ce qui se passe en nous. Et la deuxième réaction, c'est que parfois, il faudrait simplement préciser que je pense que dans cette archive, évidemment, la personne en question, je ne sais pas de qui il s'agissait d'ailleurs. Il me semble que c'est un certain Franklin Rowski, mais je ne le connaissais pas. Franklin Rowski, écoutez, si, je le connais, je ne l'ai pas reconnu tout de suite, mais je le connais. Évidemment, on s'inscrit dans une perspective totalement matérialiste, parce qu'on peut sinon imaginer que lorsqu'on oppose psychosomatique et biologique, on veut dire qu'il y aurait une place pour quelque chose de dualiste. Pas du tout. L'intérêt, c'est que, et même dans l'archive, c'est qu'il peut y avoir de communication par une communication symbolique ou langagière, mettre en branle des phénomènes en nous qui vont être à l'objet exploré par l'hypnose. Ouais. Parlons justement de ce protocole de l'hypnose. Antoine Bioy, quel est-il aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un protocole type? Et comment on peut distinguer également hypnose et suggestion hypnotique comme vous le faisiez tout à l'heure? Il y a alors les hypnothérapeutes s'amusent à dire qu'il n'y a pas de méthode type de façon à aider le patient à partir en hypnose, mais en vrai il y a quand même une procédure. L'idée effectivement est de considérer que lorsque une personne arrive dans un cabinet ou qu'on la croise dans la rue ou ailleurs, elle est dans un état de conscience particulier et l'état hypnotique va nécessiter que l'on joue un petit peu avec son attention, sa mémoire, ses émotions pour arriver à ce que l'on appelle un état de conscience modifié et selon certaines caractéristiques dont on parlera certainement tout à l'heure, on va parler effectivement d'état hypnotique. Comment est-ce que l'on fait? On va d'abord focaliser son attention. Alors on peut soit le focaliser sur un point, une sensation corporelle, sur un événement du contexte qui est en train de se passer. Et puis par la suite, on va proposer à la personne, après avoir testé qu'elle est bien en état hypnotique, des suggestions à vocation thérapeutique, c'est-à-dire une parole que l'on va prononcer, dont on va attendre évidemment des effets plus ou moins immédiat, ou bien, c'est pas très loin, ce que l'on appelle des suggestions métaphoriques, des métaphores, c'est-à-dire on va lui proposer un certain nombre d'images évocatrices, par exemple une fenêtre ouverte si on veut qu'une impression de liberté soit présente. On va travailler ainsi avec la personne et puis on va faire de nouvelles suggestions pour que l'effet thérapeutique dure au-delà de la séance et un retour à ce qu'on appelle l'état de conscience ordinaire, c'est-à-dire que la personne réouvre un petit peu son champ d'attention à ce qui se passe autour d'elle. Et la question donc que vous posez, la deuxième partie, c'est-à-dire la distinction entre hypnose et suggestion, c'est une question qui est présente effectivement, comme le disait Rowski, depuis l'école de Nancy, c'est-à-dire depuis Bernheim. Est-ce que finalement l'hypnose et la suggestion sont la même chose? C'est-à-dire, est-ce que finalement l'hypnose peut se limiter à une idée qu'une personne va formuler à une autre, et cette idée va provoquer des sensations, une impression corporelle, va susciter des images qui vont être là jusqu'à la perspective du changement. Alors on va aller directement peut-être à la conclusion, mais globalement à peu près tout le monde, c'est-à-dire les chercheurs et les thérapeutes, s'engagent pour dire qu'effectivement, il ne peut pas y avoir d'hypnose sans suggestion, bien que, encore une fois, les recherches ont essayé de faire cela, hein, essayer de créer des hypnoses sans suggestion, mais il faut quand même qu'il y ait un starter, et ce starter, c'est quand même un opérateur qui va demander à quelqu'un la procédure dont je viens de parler tout à l'heure. Donc, il ne peut pas y avoir d'hypnose sans suggestion. Par contre, il peut y avoir, bien sûr, des suggestions sans hypnose, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train d'essayer de s'influencer. Là, actuellement, avec Lionel, on essaye d'influencer vos auditeurs pour qu'ils s'intéressent à l'hypnose. Dans une conversation entre deux personnes, on va également jouer du principe d'influence et du principe de suggestion. Tout ne mène pas à l'hypnose, mais l'hypnose a besoin qu'une personne formule une idée, un commentaire avec suffisamment de conviction et dans un contexte particulier créé par cet état de concentration, de façon à ce qu'il puisse y avoir un certain nombre de bénéfices créés chez l'autre. La suggestion, elle est omniprésente, vous le disiez, elle est même présente dans notre quotidien par la publicité, par exemple. Je crois que dans le cadre de la suggestion hypnotique, on en distingue plusieurs sous-types. Alors j'ai lu la suggestion directe, la suggestion indirecte, l'autosuggestion. Est-ce que c'est une distinction qui est importante à faire, et si oui, à quel point elle est intéressante à établir, Antoine Bioy? Elle n'est pas si intéressante que ça à faire, si ce n'est dans un processus d'apprentissage. C'est-à-dire que lorsque l'on souhaite que les personnes qui vont se former à l'hypnose vraiment puissent rentrer dans un processus où ils vont ne pas avoir peur de suggérer à un patient un certain nombre de choses, on leur apprend finalement différents types de formulations. Et donc il y a un intérêt d'apprentissage à voir effectivement et à étudier les différents types de suggestions dont vous venez de parler. Dans la pratique de l'hypnose, ça va être en fait beaucoup une question de contexte. Si je suis aux urgences et que j'ai un patient qui a une fracture ouverte, qui arrive aux urgences, je ne vais pas m'amuser à faire des suggestions indirectes, c'est-à-dire de lui dire, et peut-être qu'à un moment ou à un autre, vous pourriez, que ce soit avec l'autre ou l'oreille droite, etc., etc. Non, on va le regarder dans les yeux, on lui dit maintenant, regardez mes yeux, regardez ma respiration, suivez ma respiration, et chaque fois que je respire, vous respirez et vous soufflez un peu plus de douleur à l'extérieur du corps, c'est-à-dire faire une suggestion directe. Donc dans la vraie vie de l'hypnothérapeute, la suggestion est beaucoup une question de contexte et une question de feeling, c'est-à-dire comment j'ai l'impression que l'autre a besoin que je lui parle pour pouvoir aller le plus possible vers les processus de changement. Lionel Nakache, vous travaillez, je le disais, à la Pitié-Salpêtrière. La Pitié-Salpêtrière a connu l'un des grands noms de l'histoire des neurosciences en France, c'est Jean-Martin Charcot. Est-ce que, en deux mots, vous pouvez nous dire un petit peu ce qui a changé entre l'époque où Charcot avait recours à l'hypnose et aujourd'hui les recherches que vous menez en laboratoire? Oui, bien sûr, et c'est vrai que c'est une histoire où la France semble avoir des faits cocorico entre ce que disait Antoine, c'est-à-dire l'école de Nancy, Bernheim, qui était en opposition avec l'école de la Salpêtrière de Charcot. Il y a tout un ensemble de cette histoire qui s'est jouée, c'est vrai, en France. C'est un univers passionnant. Moi, je suis pas épistémologiste, je suis pas historien de l'hypnose, ni même hypnothérapeute, mais on l'utilise pour la conscience, comme vous le rappeliez. Mais simplement, les éléments qui seront, et on reviendra peut-être là-dessus, c'est que, avec le recul qui est le nôtre, j'ai l'impression que d'une certaine manière, un peu, vous savez, c'est comme dans l'émission de Jacques Martin, là où à la fin, tous les enfants avaient la même note, c'est qu'effectivement, les gens se sont déchirés à l'époque de Charcot et de Bernheim, avec en gros Charcot qui disait que l'hypnose, c'était un état pathologique qui reproduisait chez des patients hystériques les symptômes, et donc on pouvait moduler et reproduire cela. Et Bernheim insistait, et son école à Nancy, sur le fait qu'en fait, c'est plutôt un état, on pourrait dire, de conscience modifiée, mais qui est accessible à tout le monde, et qui, par le phénomène de suggestion qui était rappelé par Antoine et par vous, permettait en fait de pouvoir généraliser le phénomène. Et ce que je trouve fascinant, c'est que je pense, d'une certaine manière, on pourrait dire en 2022, qu'il y a des éléments, des intuitions et des éléments corrects dans les deux versions de l'histoire. Et c'est pas parce que je suis à la Salpêtrière que je cherche à rattraper Charcot, hein, c'est pas ça du tout, mais c'est parce qu'on le verra peut-être, c'est qu'effectivement je crois qu'avant tout l'aspect général et suggestion, donc plutôt l'aspect Bernheim est vraiment le plus valide, ça c'est certain, mais que par contre, à travers le lien avec la suggestion, et dès qu'on dit suggestion, on dit aussi suggestibilité, c'est-à-dire que nous ne sommes pas tous au même niveau de suggestibilité, on peut explorer, et c'est ce qu'on a aussi commencé à ouvrir comme porte, les liens entre hypnose, et alors à l'époque de Charcot, on parlait d'hystérie, ensuite les conversions hystériques, etc. Aujourd'hui, on parle plutôt de manière un peu plus politiquement correcte de troubles neurologiques fonctionnels, ou TNF, voilà. Et je pense qu'il y a des liens, là aussi, on pourra discuter tous les trois. Et donc, d'une certaine manière, les deux avaient tiré. Charcot, en tirant le lien avec l'hystérie, donc avec ce que l'hypnose peut nous apprendre sur les troubles neurologiques fonctionnels, qui sont quand même 20% quasiment des troubles neurologiques, donc on parle de quelque chose qui est quotidien, qui se pose à tout praticien, neurologue ou pas. Et puis de l'autre, cette capacité à explorer un état modifié de la conscience pour n'importe qui, en fait. Mmh. France Culture, la méthode scientifique, Antoine Beauchamp. On fait cette fois un bond dans le temps avec vous, Lionel Nakache. Vous évoquiez les portes qu'ouvraient les études en lien avec l'hypnose, des portes passionnantes notamment sur la compréhension de certains mécanismes cérébraux. Si on se met aujourd'hui en 2022 sur ce qu'on sait de ce que provoque l'état d'hypnose, l'état de suggestion hypnotique chez un patient donné et sur son cerveau, qu'est-ce qu'on sait des mécanismes qui sont à l'œuvre dans cet état de conscience modifiée? Oui, alors c'est un champ de recherche assez récent. Parce qu'en réalité, les méthodes d'imagerie cérébrale qui ont été mises à contribution, alors il y a toute une histoire assez longue, mais on pourrait dire le champ contemporain, c'est aussi avec le développement de la neuroimagerie fonctionnelle, donc tout ce qui va être caméra à positon, IRM fonctionnel, ou électroencéphalographie, magnétoencéphalographie. Donc toutes ces recherches viennent, on va dire, à partir des années 80-90, en sachant à nouveau qu'il y a toute une histoire de psychophysiologie qui est antérieure, qui donc ça ne s'est jamais arrêté, comme le disait aussi Antoine Dieuil. En gros, ce que l'on voit, c'est qu'effectivement, l'hypnose nous permet d'explorer comment, alors pour poser des choses, l'hypnose, ça se joue chez des sujets qui sont conscients. Et comme le rappelait Antoine Dieuil, c'est un état modifié de la conscience. Donc on parle d'une posture consciente. Donc on a affaire à un cerveau qui fonctionne sous un mode conscient. Et c'est important de le signifier parce qu'il y a des états de non-conscience physiologiques, comme certaines phases stables du période du sommeil profond, lent profond, ou bien le coma ou l'anesthésie générale, etc. Donc là, on parle de sujets qui sont conscients, comme vous et moi, comme nous trois là, et qui pourtant vont par une certaine posture, être capables de modifier le cours de leur activité. Soit de leur activité spontanée, donc de rentrer dans des scénarios imaginaires de différentes natures, soit modifier l'expérience de la perception consciente dont ils font par définition l'expérience au moment où ils le vivent, et donc d'arriver par exemple à inhiber certaines entrées. Et on va le développer, je pense, sur notamment tout ce qui va être l'analgésie hypnotique, le fait de pouvoir supprimer une expérience de douleur. Et donc là, évidemment, pour nous, c'est un point d'observation important, unique d'une certaine manière, sur les modalités de la conscience. C'est que quand on est dans un état conscient, on est capable de modifier notre expérience consciente nous-mêmes, ou par le tiers, par une tierce personne qui va nous permettre, qu'on va faire rentrer dans notre jeu subjectif, et du coup modifier nos réseaux cérébraux. Alors les régions cérébrales qui sont surtout modifiées, on va revenir dessus, c'est beaucoup le lobe frontal. Et le lobe frontal, on va dire, c'est juste derrière le front, pour rappeler à nos auditeurs, c'est le lobe qui est le plus développé dans l'espèce humaine par rapport aux autres espèces animales, aux autres primates, par exemple non humains, et qui va occuper un tiers au moins du cerveau. Et ces régions frontales, de manière un peu emphatique, parfois certains les appelaient le lobe de la civilisation, le lobe de la culture et tout. En gros, tout ce qui va être les aspects les plus subtils de notre expérience subjective, donc le sens de l'humour, la capacité à se projeter dans un ailleurs qu'un ici et maintenant, de pouvoir échapper aux contingences, tout ça, ça va faire appel à notre conscience de nous-mêmes. Donc ces régions, elles sont souvent retrouvées dans les études de nos collègues, je pense à Fémonville ou à d'autres qui ont consacré et qui consacrent leur carrière à l'hypnose spécifiquement, ce qui n'est une fois de plus pas mon cas. Moi, je fais des entrées dans l'hypnose, mais c'est pas mon champ d'études privilégié. Mais donc, on retrouve ces régions-là et notamment des modes de connectivité, donc des modes de connexion entre différentes régions cérébrales et qui vont impliquer notamment les régions les plus abstraites, les cortex qu'on appelle associatifs, hétéromodaux, préfrontaux, pariétaux, et les régions les plus primaires, c'est-à-dire les régions sensorielles. Oui, parce que c'est ça la grande complexité dès qu'on parle de neurosciences, c'est que le cerveau n'est pas divisé en quatre parties qui sont inhomogènes et qui ne communiquent pas entre elles. C'est tout un système de réseaux extrêmement complexes et de parties qui communiquent entre elles de façon instantanée. Et là, c'est là tout l'enjeu aussi, de comprendre la subtilité, la finesse de ces mécanismes à l'œuvre quand on parle d'hypnose. C'est exactement ça, oui, absolument. Antoine Bieuil, d'un point de vue comportemental, comment se traduit cet état hypnotique? Il y a plusieurs variétés d'hypnose. Je prenais le cas vraiment, pour le coup, un peu bateau et spectaculaire de ces spectacles d'hypnose collective qui n'ont rien à voir avec la science. Mais voilà, est-ce qu'on peut établir un petit peu une espèce de liste des états hypnotiques qu'on peut atteindre grâce à des pratiques d'hypnose dans un cadre thérapeutique? Alors, on n'est pas si loin de la science, y compris dans l'exemple que vous donnez, y compris aussi tout à l'heure avec le serpent K. Enfin, il y a beaucoup de les images comme ça que l'on a, on va dire entre guillemets, dans la pop culture ou qui reviennent. En fait, la science a eu son mot à dire ou continue à le dire. Et souvent, d'ailleurs, on apprend de ces manifestations qui sont des manifestations parfois collectives ou par l'image que nous renvoient les films, les dessins animés sur ce que pourrait être l'hypnose. Et donc, on est effectivement d'abord la raison pour laquelle je le dis, c'est que en fait, on a d'abord, on va dire, la première forme d'hypnose, qui est l'hypnose en fait que le patient va bien vouloir créer. C'est-à-dire que les études dans le champ de la psychologie montrent en fait que la suggestion est effectivement un starter qui va permettre de pouvoir arriver à l'état hypnotique. Mais assez rapidement, alors tout est relatif bien sûr, puisqu'on est globalement dans les années 30 avec Hull qui est un expérimentateur et qui va dire effectivement l'une des caractéristiques de l'état hypnotique, c'est d'augmenter la suggestibilité. Et puis on va sauter aux années 50 et 60, et notamment quelqu'un comme Martin Horn, va faire donc des études sur l'hypnose, n'étant pas sûr que l'hypnose existait, et va conclure que finalement le plus important c'était ce qu'il va appeler l'expérience hypnotique. C'est-à-dire que finalement les études dans les années 60 ont montré que la première forme d'hypnose est l'hypnose telle que le patient se représentait qu'il devait être hypnotisé. Et c'est là où est la beauté de la chose. Il y a déjà une autosuggestion avant même d'être sur le divan, on va dire. Oui, il y a tout à fait une autosuggestion, c'est-à-dire que le premier mouvement du patient est un mouvement dans lequel il va essayer de reconduire et de reproduire les effets de l'hypnose tels qu'il les a vus précisément en spectacle, dans les films, etc. À tel point même qu'il y a deux chercheurs importants qui sont Gilles Brennan, qui, fin des années 60, se sont posé la question de savoir, finalement, est-ce que l'on peut faire de l'hypnose en éliminant tous les signes d'hypnose. Et donc, ils ont pris un certain nombre de sujets. Alors, l'étude n'est pas aussi drôle que celle sur les pattes qu'on a entendue tout à l'heure, mais malgré tout, ils savaient s'amuser également. Et ils ont, chaque fois qu'il y avait un signe d'hypnose qui apparaissait chez quelqu'un, par exemple une levée automatique de la main, ce qu'on appelle une lévitation, une rigidité par exemple dans les paupières, ce qu'on va appeler une catalepsie, par suggestion directe, ils demandaient à la personne de supprimer ce signe de l'hypnose. Et à la fin, les sujets finissaient par dire, quand ils posaient la question l'un ou l'autre des chercheurs, comment savez-vous que vous êtes hypnotisé ? Eh bien, les sujets finissaient par répondre, je sais que je suis hypnotisé parce que je sais que je vais faire ce que vous me demandez de faire. Et ça, c'est le deuxième type d'hypnose. C'est-à-dire le patient spontanément commence à reproduire l'image qu'il a ou la pré-image qu'il a de l'hypnose dans le processus, dans la procédure dont je parlais tout à l'heure. Et le deuxième mouvement, on va dire, d'un patient est de vraiment s'inscrire dans la relation et finalement percevoir ce que l'expérimentateur ou bien l'hypnothérapeute attend d'elle ou attend de lui. Et il va essayer de coller finalement à ce que la personne lui indique de faire, puisque derrière, il y a soit l'idée effectivement qu'une étude soit réussie, soit l'idée que le changement puisse venir dans des processus thérapeutiques. Et on pourrait caractériser finalement une troisième forme d'hypnose qui est celle qui serait marquée par le saut de la curiosité ou de l'incertitude, c'est-à-dire que dans ce processus-là, d'abord en tant que patient ou en tant que sujet, je fais d'abord tel que j'ai l'impression que je dois faire, puis je fais tel que j'ai l'impression que l'autre est en train de me demander. Il apparaît une troisième étape qui est une étape plus incertaine dans laquelle tout d'un coup des images vont intervenir qui ne sont pas attendues, qui n'ont pas été suggérées par le thérapeute. Il va y avoir des impressions, des sensations corporelles qui vont être nouvelles. Soit ces sensations vont apparaître et ont à voir avec le travail thérapeutique tel qu'il va être engagé, soit le patient va lui donner un sens particulier ou une signification particulière, mais en tout cas, on est là dans un troisième temps de l'hypnose qui, là, pour le coup, est vraiment du côté du thérapeutique. On ne le rencontre pas vraiment dans les recherches qui sont effectivement plus cadrées. Et ce troisième temps, c'est précisément là où va intervenir le changement, c'est-à-dire le patient qui commence à imaginer qu'il peut percevoir le monde autrement à travers une sensorialité différente, aidé par les suggestions et les métaphores du thérapeute. Ce qui est passionnant dans ce que vous dites, Antoine Bioy, c'est qu'on perçoit bien l'aspect permanent, en permanence conscient de la personne qui est dans un état hypnotique. Lionel Nakache, cette conscience-là, elle est au cœur de vos recherches à vous en général, mais aussi au cœur d'une recherche qui est parue en mars dans la revue Frontiers in Neuroscience et qui fait justement intervenir la suggestion hypnotique pour travailler sur cette notion de conscience-là. Expliquez-nous un petit peu en quoi a consisté cette étude, son point de départ, le protocole que vous avez mis en place et puis les résultats que vous avez obtenus qui sont quand même pas mal. Bah écoutez, merci pour ce teasing. Oui. Non, en fait, c'est vrai que je travaille sur la conscience. Et on pourrait dire sur la conscience, une des questions psychologiques, c'est quelles sont, par exemple, les opérations mentales, les opérations psychiques qui seraient spécifiques de la conscience. Et on en a trouvé plusieurs, en réalité. Et le contrepoint, c'est quelles sont les bases cérébrales. Comment fonctionne notre cerveau sous un mode conscient? Et là, on pourrait définir la conscience pendant des heures. La définition que j'utilise, et je suis pas le seul à l'utiliser, c'est une définition qui fait appel à la capacité à se rapporter subjectivement une expérience, quelle qu'elle soit. À partir du moment où je suis capable de me rapporter subjectivement une expérience mentale, perceptive, imaginative, émotionnelle, quelle qu'elle soit, on va considérer que l'individu qui est capable de se rapporter à soi-même quelque chose est conscient. On est proche d'une perspective très cartésienne, c'est presque le cogito, le je pense donc je suis là, c'est je me rapporte à moi-même donc je suis conscient, on pourrait dire, en accélérant. Donc une fois qu'on pose ce dispositif, on a plein de façons de l'étudier. On peut l'étudier chez des sujets qui sont en bonne santé, chez des patients, avec essayer d'aider des patients dans des troubles de conscience aigus, comme des crises d'épilepsie ou chroniques, comme des troubles, par exemple, ce qu'on appelle les états végétatifs, ou les patients qui sont en conscience dite minimale, etc. Donc ça couvre et ça recouvre beaucoup d'entités neurologiques ou psychiatriques différentes. Dans ce contexte-là, quand j'ai commencé ce travail, en fait, ce travail, c'est une histoire en deux temps. Donc cette étude qu'on vient de publier avec mon étudiant de thèse, Esteban Muñoz Moussat, qui est un brillant neurologue et chercheur en thèse de science, qui est le premier auteur de l'étude, en fait, ce sont des données qu'on a enregistrées avec mes collègues Benjamin Roux et Jean-Marc Benayem il y a assez longtemps. Mmh. Et alors, je peux mettre un petit mot d'historique, de Bien contexte. Sûr. Donc, à la Salpêtrière, il y a un diplôme universitaire, un DU d'hypnose médicale, et qui est coordonné depuis de nombreuses années par un collègue médecin hypnothérapeute qui s'appelle le docteur Jean-Marc Benayem. Et depuis longtemps, il me demandait de donner un cours une fois par an sur mes travaux sur la conscience, justement avec les liens qu'on pourrait établir entre hypnose et conscience et inconscience. Et au moment où on a fait cet échange, j'avais mis au point avec mes collègues un test, qui est un test que maintenant on utilise dans beaucoup d'équipes, beaucoup de pays différents. Je ne vais pas le détailler, mais en gros, le principe est très simple, c'est qu'on fait écouter à des sujets des sons, des séries de sons. Et on va détecter à quel point le sujet perçoit ces sons. Notamment d'un point de vue, alors ça oui. se manifeste par imagerie justement. Ah oui, alors exactement. Il y a une onde qui correspond à la Exactement, on mesure perception. Des ondes cérébrales, absolument. On l'a fait dans plein de techniques différentes, mais la technique qui est la plus commode, c'est ce qu'on appelle l'EEG, une vieille technique, l'électroencéphalographie. On pose des électrodes sur la tête. L'intérêt de l'EEG par rapport à l'IRM, par exemple, oui. qu'on utilise aussi, c'est qu'on peut suivre ce qui se passe dans notre cerveau avec une précision temporelle qui est celle qui sied à notre échelle, c'est-à-dire au millième de seconde près, donc la dynamique du flux de conscience. Et pour poser vraiment le décor, on avait pu montrer, on n'est pas, quand je dis on, c'est un haut collectif, hein, c'est tout le mouvement de ces recherches, que lorsqu'un son parvient à nos oreilles, à nos tympans, fait vibrer nos tympans, et va être transduit dans une activité nerveuse dans le nerf auditif, eh bien ce nerf auditif va propager l'information nerveuse d'origine acoustique jusqu'au tronc cérébral, je passe un peu l'anatomie de l'audition, et en gros, quand ça monte dans le cerveau, on a pu distinguer en gros deux temps de la perception. Et ce principe, il mérite qu'on s'y arrête une seconde parce qu'il vaut l'audition, mais il vaut également pour la vision, pour la somesthésie, le toucher, également l'olfaction, probablement pour la gustation, même si les données sont moins nombreuses. Donc c'est un principe très général, c'est que quand vous percevez un son, il y a un premier temps de la perception qui n'est pas un temps conscient. Qu'est-ce que ça veut dire, un temps pas conscient? C'est-à-dire que même si vous êtes conscient, vous n'êtes pas capable à ce moment-là de vous rapporter ce son, donc vous n'êtes pas conscient du son. Voilà. Pour autant, on peut montrer que des régions de votre cortex auditif, dans le lobe temporal, la partie supérieure, sont en train de construire une sorte de représentation acoustique ou auditive, assez élaborée en fait. Et ce premier temps, il dure assez longtemps, il va durer 0,2 seconde. Et ensuite, soit ça s'arrête là, et vous n'aurez pas pris conscience d'un son qui est dans l'environnement, et ça nous arrive en permanence, soit vous avez un deuxième temps qui correspond à la prise de conscience subjective de cette représentation. Et on avait pu, par ce test-là, à cette époque, trouver des signatures cérébrales par le EEG de ces deux temps respectifs. Le premier temps non conscient, et le deuxième temps conscient. Et donc, en discutant avec Jean-Marc Benayem, je lui dis, tu t'intéresses à l'hypnose, tu connais, tu pratiques l'hypnose, est-ce que tu penses que tu pourrais induire une surdité hypnotique, transitoire évidemment, je rassure Bien tout sûr. Le monde, à des sons? Est-ce que tu penses que par une suggestion hypnotique, tu pourrais arriver à induire un phénomène de surdité? Il m'a dit qu'il pouvait sans doute le faire, donc on a testé, et c'est cette preuve de proof of concept, preuve de concept qu'on vient de publier récemment. Donc je ne sais pas à quel point vous voulez que je décrive le résultat. On peut décrire le résultat, bien sûr, parce qu'il est intéressant. Alors le résultat, c'est le suivant, c'est que donc la volontaire, donc qui est un sujet sain, hein, c'est une femme qui passait cette expérience. Donc on commence par lui faire la première série. Donc elle écoute ses sons et on arrive avec le EEG à dépister les deux signatures. La première signature non consciente et la prise de conscience du son. Et pour mettre des petits drapeaux on a un événement qu'on appelle par exemple la P1, c'est la première onde positive du cortex auditif qu'on enregistre, qui survient à peu près vers 40-50 millisecondes dans ce dispositif-là, hein, ça peut varier. Ensuite, on a une autre réponse qu'on appelle la MMN, et puis on a la P3B qui est la prise de conscience. Donc on a en gros ces trois événements. Et à ce moment-là, ensuite, on s'est mis d'accord avec mes collègues et cette volontaire qu'il commençait l'induction hypnotique. Donc il a commencé à lui parler, et comme le disait Antoine Beuil, c'est tout un toute une expertise, qui n'est pas la mienne du tout, de pouvoir, par une expertise d'hypnothérapie, d'arriver à induire chez ce volontaire saint. Elle avait été choisie aussi parce qu'elle était suggestible. Mmh. Donc on revient sur le phénomène. Elle pratiquait elle-même l'hypnose. Voilà, ouais. Et donc Jean-Marc Benahem savait déjà qu'il pourrait plus facilement induire une suggestion chez cette femme que chez une autre femme ou chez un autre homme, etc. Donc ça prend du temps, on a émis pour pas la perturber par du son, donc il lui parlait, et par moment on faisait rejouer les sons de notre test, et on avait mis un code moteur, elle devait bouger un doigt ou l'autre pour nous dire si elle était sourde ou pas. Et au début ça marche pas, quoi. Ça dure longtemps, je sais plus, dans l'article on a publié, je crois que c'était 29 minutes le temps, on a mesuré le temps, jusqu'au moment où un moment elle nous dit là j'entends plus rien, j'entends plus les sons, on lui demandait d'être sourde au son, pas à la voix. Et donc au moment où elle nous rapporte subjectivement ne plus entendre les sons, eh bien on refait le test à l'identique, comme au début, et là on a la surprise de confirmer nos hypothèses, à savoir, que j'avais pas encore formulé là, mais qu'on avait formulé auparavant, c'est qu'en fait, le premier temps inconscient de la perception auditive des sons était non seulement toujours présent pendant la surdité hypnotique, mais il était inchangé. C'est-à-dire que quand on prend des centaines d'essais qu'on avait et qu'on fait des tests statistiques pour voir est-ce que, par exemple, les ondes ont la même amplitude, la même fréquence, etc., en fait, on n'était pas capable de distinguer les deux. Donc, le premier temps de la perception n'est pas du tout modifié. Il n'y a pas de surdité sélective. Voilà, il n'y a pas une surdité totale, en fait. Par contre, c'est la surdité, et c'est une surdité consciente. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a pu découvrir, c'est qu'au moment où elle nous a dit de ne plus entendre, percevoir les sons, eh bien, elle n'avait plus cette P3B, cette signature subjective du deuxième temps de la perception. Cette onde cérébrale qui est la conscientisation du son. Exactement. L'accès du son à cet espace de conscience beaucoup plus large dans le cerveau. Et le point, dernier résultat important, ensuite il y a des sous-résultats, c'est qu'entre ces deux temps, donc le premier temps de la perception qui était préservé, et le deuxième qui était totalement aboli sur un mode tout ou rien, vraiment, elle n'était plus consciente. C'était pas que c'était un peu amoindri, c'est que c'était plus là du tout. Eh bien, entre ces deux temps, on avait un événement cérébral qui n'existait que dans la condition de surdité et qui venait d'une région qu'on appelle le cortex singulaire antérieur. Alors, pour nos auditeurs férus en neurosciences, ils savent que le cortex singulaire antérieur, c'est la région cérébrale candidate dès lors qu'on parle d'inhibition cognitive. Donc, quand vous devez inhiber quelque chose, une perception, mais aussi un conflit interne, une pensée, une représentation dans des situations de compétition, de réponse, etc. Votre cortex singulaire antérieur, c'est la région qui, in fine, va exercer le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle exécutif, sur les autres régions cérébrales. Et ce qu'on a découvert, c'est que lorsqu'elle nous a dit qu'elle était sourde, effectivement, elle était sourde au niveau conscient, elle n'avait plus la signature cérébrale de la conscience, mais en plus, elle avait réussi à mettre en place une inhibition par ce cortex singulaire antérieur des régions auditives qui ne pouvaient plus communiquer avec cet espace conscient. Et par cette étude et par cette preuve de concept, on ouvre la porte à la seconde partie de notre émission, qui est déjà bien entamée, notre émission sur les pistes et les pistes thérapeutiques qui permettraient de mobiliser cette suggestion hypnotique. Restez avec nous, ce sera juste après ça. Knowing I Trust in Me par Sushila Raman dans la méthode scientifique sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure d'hypnose et de suggestion hypnotique. Nous en parlons avec Lionel Nakache, médecin neurologue et neurophysiologiste, chercheur en neurosciences cognitives à la Pitié-Salpêtrière. Nous en parlons également avec Antoine Bioy, professeur de psychologie clinique et de psychopathologie à l'université Paris 8. On en arrive à présent au reportage du jour et à la question de l'hypnose donc médicale. On utilise ces techniques pour remplacer ou pour accompagner une sédation plus profonde, notamment dans le cadre d'opérations chirurgicales. Bonjour Alexandra Delbault. Bonjour Antoine. Pour l'occasion, vous avez enfilé la charlotte et le masque et la tenue de chirurgienne et vous vous êtes rendue à l'hôpital Saint-Joseph à Paris pour assister à une hypnose avant une opération. Oui, j'ai rencontré Marie-Charlotte Desmézières, médecin anesthésiste réanimateur qui pratique donc ces hypnoses. L'objectif est de diminuer l'utilisation de sédatifs afin de réduire les risques associés à l'anesthésie et d'avoir un réveil moins difficile. J'ai ainsi pu m'immiscer dans un bloc opératoire et assister donc à une hypnose avant anesthésie générale d'un patient. Vous entendrez d'ailleurs un air de Bach qu'il a choisi pour se relaxer. Et cette hypnose préopératoire a permis d'utiliser une dose légèrement moindre de sédatif pour son âge et son gabarit. Et en l'espace de quelques minutes, lors du passage de l'état d'éveil à l'état d'hypnose, son rythme cardiaque a diminué d'environ 20 points, signe d'un certain apaisement. Donc il y a deux choses différentes qu'on peut pratiquer. Donc il y a l'hypnosédation, c'est l'association d'hypnose avec une anesthésie locale et une sédation adaptée aux besoins du patient. Et également l'hypnose avant une anesthésie générale. Donc l'anesthésie générale classique, hein, donc avec recours aux drogues habituelles, mais peut être accompagnée d'hypnose juste avant l'endormissement, pour permettre au patient de s'endormir dans des meilleures conditions, d'être plus calme. Et on constate souvent une diminution des drogues utilisées pour l'anesthésie générale à ce moment-là, et même assez souvent un réveil de meilleure qualité, où les patients sont plus calmes, plus sereins, plus confortables. Quels sont les signes justement d'endormissement que vous pouvez voir, que l'endormissement provienne plus tôt quand vous pratiquez l'hypnose ? Alors, les premiers signes qu'on va voir, déjà, ça va être un ralentissement de la fréquence cardiaque. Le patient se calme, hein, donc tout simplement la fréquence cardiaque diminue. Et puis, tout simplement, en signe d'endormissement, il y a également le réflexe ciliaire qu'on vérifie à chaque fois. Il y a une perte de réflexe ciliaire quand le patient est endormi. Voilà, donc c'est ce genre de choses qu'on regarde et on se rend compte que quand on fait de l'hypnose avant l'anesthésie générale, on utilise moins de doses de produits pour obtenir ces signes-là. Donc comment je procède en pratique ? Dans un premier temps, donc le patient arrive, je lui présente la salle d'opération, donc pour qu'il prenne ses repères dans l'ici et maintenant. Donc le lieu, il repère les gens qui sont présents, les différents appareils, la couleur des murs, peu importe. Et je lui montre l'horloge aussi, pour qu'il reprenne un repère temporel. Donc voilà, ça c'est important. Et ensuite, je lui explique que après l'opération, il va se réveiller, il sera en salle de réveil avec d'autres personnes. Ça c'est très important parce que on va faire une induction hypnotique, on va l'emmener en état de transe hypnotique avant une anesthésie générale. Mais au réveil, on n'aura pas cette phase de retour qu'on fait classiquement dans une séance d'hypnose. Donc j'induis cette phase de retour dès le début en lui disant que voilà, ses repères seront différents au réveil. Et donc là, vous pouvez regarder tout autour de vous pour prendre vraiment vos repères et puis savoir qu'ensuite, vous allez partir. Voilà, tout d'abord, peut-être faire une baignade, on va presser, et puis ensuite... Voilà, il va se passer un temps certain qui n'aura plus vraiment d'importance, hein, comme quand on dort, on ne se rend pas compte du temps qui passe. Et puis vous allez dans la salle. Vous pouvez regarder la couleur des murs, les différents appareils. Voilà. Et puis vous entrez dans le moment présent. Ok. Et également écouter les sons que vous entendez dans la pièce. Donc, on a mis un peu de musique douce. Ça vous convient, cette musique ? Oui, c'est ok, vas-y. Donc une fois que le patient a bien pris ses repères, je vais commencer mon induction hypnotique. En général, on commence l'induction hypnotique en même temps qu'on commence la préoxygénation. Donc la préoxygénation, c'est le fait de faire respirer un air à 100% d'oxygène avant de l'endormir. Donc l'induction hypnotique, je travaille beaucoup sur la respiration. C'est un moyen qui est assez rapide et efficace pour partir en hypnose. D'autant plus au bloc opératoire, on a besoin de faire respirer de l'oxygène au patient. Voilà, donc je travaille sur vraiment les cinq sens. Donc je lui fais imaginer la couleur de sa respiration, par exemple. On peut inventer une couleur. Je lui fais écouter sa propre respiration. Je lui fais ressentir les sensations physiques de sa respiration, donc l'air frais qui rentre et l'air tiède qui ressort, la poitrine qui se lève et qui s'abaisse. Voilà. Et tout en lui racontant tout ça, je module également le ton de ma voix, le son de ma voix qui ralentit, qui devient plus doux. Et par cette méthode-là, le patient se détend, se relâche. Et une fois que le patient est bien relâché, en bonne condition, je le fais partir dans un lieu agréable. Donc j'essaye, avant de commencer tout ça, je lui demande déjà s'il y a un endroit en particulier où il se sent plus en sécurité, où il se sent bien. Ça peut être tout simplement une pièce de son appartement, la plage, la montagne, n'importe. Et à partir de juste une idée, trois mots-clés, je l'emmène dans cet endroit avec des suggestions hypnotiques. Et c'est lui qui va faire tout le travail avec son esprit. Maintenant, je vais vous proposer de vous concentrer sur la respiration. Et vous allez imaginer que cette respiration pourrait avoir une couleur. Comme si l'air qui rentre dans vos narines aurait une couleur. La couleur de votre choix. Vous pouvez imaginer comme un petit nuage qui rentre dans vos narines, qui vient jusqu'à vos poumons. Et qui ressort peut-être d'une autre couleur. Concentrez-vous également sur la température de l'air qui rentre dans vos narines. Cet air bien frais. Et lorsque vous soufflez, vous pouvez peut-être remarquer que l'air ressort un peu plus tiède. Tout se passe très bien. Et à chaque fois que vous soufflez dans ce masque, c'est comme si vos muscles se relâchaient tous les uns après les autres, jusqu'au bout des orteils, jusqu'au bout des doigts. Qu'est-ce que ça a changé dans votre pratique ? J'ai commencé l'hypnose un petit peu par moi-même, seulement en parlant aux gens, voilà, parce que notre métier est un métier très technique. Et on a besoin de réhumaniser tout ça, je pense. Donc on pourrait vite endormir des gens juste en injectant des médicaments. Et ce n'est pas le rôle, à mon sens, d'un médecin. Il y a vraiment un lien humain qui est très important. Et le fait de parler aux gens, voilà, ça aide déjà à le mettre en meilleure condition. Et quand on arrive à bien interroger le patient, à connaître ses centres d'intérêt, ses hobbies, tout ça, on se rend compte que déjà il y a un lien qui se crée. Et puis on va de plus en plus en profondeur des choses. Donc moi j'ai commencé l'hypnose seulement en discutant avec les gens. Et puis j'ai affiné ma technique petit à petit. Je me suis formée à l'hypnose. Et maintenant c'est quelque chose qui est devenu très naturel dans ma pratique. Et je suis très satisfaite de pouvoir avoir des patients heureux en sortant de l'hôpital, tout simplement. Voilà pour ce reportage à l'hôpital Saint-Joseph. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Antoine Bioy, et à cette application concrète du recours à l'hypnose dans le cadre de sédation à l'hôpital. Alors, le premier élément, et je vais peut-être le préciser parce qu'il est historique, mais tout le monde ne le sait pas forcément, c'est que c'est l'une des plus anciennes indications de l'hypnose, puisque déjà, fin du XVIIIe siècle, on créait ce qu'on appelait le sommeil magnétique. Et ensuite, effectivement, comme il y a eu par la suite le chloroforme, l'arrivée de la chimie, c'est passé un petit peu au second plan. Et puis c'est ensuite Alain Forster, dans les années 70 en Suisse, qui... sur Genève, en fait, a réintroduit cette pratique au bloc opératoire. Marie-Elisabeth Fémonville, bien sûr, à Liège, tout à l'heure Lionel Lacache l'a cité à juste titre, qui a vraiment, à la fois, vraiment développé cette pratique, et à ma connaissance d'ailleurs, ça a été la première professeure d'université qui a eu ce titre de PUPH sur sa pratique de l'hypnose au bloc opératoire, en plus de l'ensemble des recherches qu'elle a montrées, et qui montraient que ce n'était pas effectivement que du vent, et qu'il y avait une réalité vraiment physiologique à tout ça. L'intérêt, il est effectivement celle que décrivait la consoeur dans la pratique. C'est-à-dire, on retrouve l'élément que Lionel disait tout à l'heure, qui est vraiment très très important et qui est à repréciser, enfin redonner plutôt. C'est-à-dire que c'est un état conscient. Alors, c'est un état particulier de la conscience, mais c'est un état conscient, et c'est ce qui va permettre précisément à la personne de pouvoir moduler, modérer à la fois des ressentis qui vont être négatifs si jamais ils surviennent, comme bien sûr l'inconfort ou la douleur, mais aussi vont pouvoir amplifier des éléments perçus de la réalité, liés notamment à l'imaginaire dans l'exemple qui était donné dans ce reportage. Et donc on a toute une refonte, toute une reconstruction de la réalité qui est possible parce que la personne est dans cet état de conscience. Et le dernier aspect, c'est celui que l'on citait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire ça se passe en relation avec un thérapeute. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette dimension relationnelle, mais comme dans l'étude de Lionel Lacache tout à l'heure, c'est-à-dire quand j'ai lu son très intéressant article scientifique et ce qu'ils ont fait qui vraiment assoit des savoirs qui sont importants, quand j'ai lu que c'était Jean-Marc Benayem qui avait fait la séance, Jean-Marc c'est quand même la Rolls de l'hypnose actuellement, je me suis dit forcément il y a eu forcément cet impact-là, c'est un impact que nous on étudie sur Paris 8 précisément, et là on retrouve cet impact de la relation, c'est-à-dire que la personne qui est patient en bloc opératoire, elle ne va pas bénéficier de soins qui sont des soins génériques avec un anesthésiste qui va tourner sur quatre salles d'opération. Elle va avoir une personne dédiée qui va l'accompagner pendant l'ensemble de l'opération. Et elle va donc, et c'est ce principe aussi de soins d'accompagnement lié à l'humain dans un moment qui peut être particulièrement fractant, qui va faire aussi l'effet de l'hypnose. À la fois donc la facilité en hypnose dans l'état hypnotique à pouvoir refondre sa réalité dans le sens qui est souhaité parce que c'est un état conscient qui autorise une certaine créativité, et la dimension de la relation qui, j'allais dire, sécurise le cadre dans lequel les choses se passent et nous avons peur, à se laisser aller à ces processus de créativité, voilà, qui dans d'autres circonstances pourraient être perçus comme aléatoires. Le son est un petit peu haché avec vous, Antoine Biol, mais on va vous retrouver dans un instant. Lionel Lacache, qui est très intéressant. Donc, on parle d'hypnosédation dans le cadre, donc c'est un accompagnement à l'anesthésie. Ça ne remplace pas du tout l'anesthésie générale, mais ça crée des conditions de réveil meilleures et des conditions de confort accrues pour ces patients-là. L'hypnoanalgésie aussi. Je crois qu'il y a une longue et une longue tradition de la recherche autour de l'hypnose, de la suggestion hypnotique et de l'atténuation de la douleur chez des personnes qui en souffrent. Oui. Comment est-ce que on peut décrire ça et comment est-ce qu'on peut mettre ça en regard de l'étude que vous avez conduite justement? Oui. Alors je trouvais même le sujet est super parce qu'on voyait toutes les dimensions qui ont été aussi rappelées par vous et par Antoine Biol. Il y a aussi avant tout évidemment la dimension très humaine sur laquelle tout le monde a insisté qui est primordiale. La dimension thérapeutique. C'est-à-dire que là, il s'agit d'une expérience qui va permettre d'aider un individu à traverser un geste chirurgical, une anesthésie plus ou moins difficile. Et l'autre aspect, c'est qu'il y a vraiment, et c'est peut-être celui qui, d'un point de vue scientifique, est le plus fascinant, c'est qu'on est dans une de ces situations où on est vraiment aux confins de l'objectif et du subjectif. C'est-à-dire que si on prend au sérieux, et c'est ça, c'est pour ça que l'analgésie hypnotique et l'hypnosédation, etc., sont des choses qui sont fondamentales, d'après moi, c'est qu'on peut arriver presque à faire une titration pharmacologique d'un effet subjectif. Vous vous souvenez, François Mitterrand, il disait « je crois aux forces de l'esprit ». Alors, c'est les forces, peut-être pas dans la même acceptation que lui, mais en tout cas, on parle de trucs très matérialistes, mais en tout cas, notre pensée consciente est capable d'avoir un effet sur sa propre expérience, et ça, on peut le titrer à niveau pharmacologique. Et est-ce que c'est pas ça, finalement, qui fait que l'hypnose a encore une espèce d'aura un petit peu douteuse quand on parle d'hypnose et de science? Et est-ce que, finalement, il y a un consensus scientifique sur l'utilité scientifique thérapeutique de l'hypnose, ou est-ce qu'il faut encore convaincre vos confrères, vos consoeurs? Alors, écoutez, je suis peut-être pas le mieux placé, mais je pense que cette idée dans le domaine médical et scientifique est de plus en plus familière, mais peut-être plus largement, comme vous le disiez, pour la société entière, ça fait toujours partie de ces phénomènes qui ont quelque chose de sulfureux, d'irrationnel, de mystique, d'ésotérique, alors que c'est comme le sujet au tout début sur le couple d'étoiles, l'étoile naine et la super rouge, et ça n'enlève rien du mystère de l'astrophysique quand vous arrivez à projeter de la raison sur un phénomène qu'on pouvait observer, mais dont on ne connaissait pas vraiment l'explication. Donc il y a quelque chose de jubilatoire aussi. Donc je ne crois pas, moi j'ai jamais cru qu'en connaissance en général, le fait de lever le voile sur quelque chose qu'on ne connaissait pas allait tarir la force de l'imagination ou de l'expérience subjective. Je pense que c'est le contraire. C'est-à-dire, une fois qu'on comprend ça et que l'hypnose devient quelque chose d'assez, on va dire maintenant, standardisé, il y a encore beaucoup de gens, j'imagine, de progrès à faire, mais c'est déjà une idée qui est acquise. Ça n'enlève pas la force de l'imagination sur d'autres aspects. Donc je crois que c'est que cette idée, elle fait son chemin de manière assez heureuse actuellement, en tout cas. Antoine Bieuil. Oui, je crois tout à fait. Alors, d'une part, c'est effectivement toujours un mouvement paradoxal parce que l'hypnose est l'un des phénomènes quand même sur lequel on a le plus de documentation scientifique, hein, à la fois effectivement dans le champ des sciences humaines, en psychologie notamment, dans le champ des neurosciences, en médecine. Mais effectivement, comme vous le disiez, il faut toujours continuer un petit peu à convaincre. Et je rejoins vraiment tout à fait Lionel Nakache sur le fait d'éclairer un certain nombre de choses n'enlève pas un peu la beauté du mystère. Et par exemple, les études que mène Lionel sont intéressantes parce que ça ouvre tout un champ, par exemple en neurologie. On s'y intéresse beaucoup, je travaille beaucoup avec le CHU de Bordeaux, avec l'Institut de médecine intégrative et complémentaire, qui est dédié justement à la pratique de l'hypnothérapie et de la méditation. Et on est en train d'ouvrir tout un champ précisément en neurologie, à partir précisément de ces dimensions scientifiques-là. Et donc ce qui est en train de s'ouvrir, ce sont des indications que l'on n'imaginait pas encore il y a 5 ou 10 ans, sur lesquelles on a encore beaucoup de choses à apprendre. Et puis, notre société voulant que l'on parle aussi parfois gros sous, on va parler aussi économie avec l'exemple du bloc opératoire de tout à l'heure. Les études montrent aussi que, bien sûr, que de monopoliser un infirmier anesthésiste ou une anesthésiste auprès d'un patient pendant toute une opération coûte plus cher, mais c'est aussi des patients qui se rétablissent mieux. C'est justement Marie-Elisabeth Fémonville qui l'a montré. Ils se rétablissent mieux, ils se rétablissent plus vite, ils ont moins de consommation d'antalgiques. Et finalement, quand on regarde le coût pour la société d'un patient qui arrive pour se faire opérer, et si on prend le coût total, le moment où il arrive, le moment où il repart, ça coûte moins cher à la société d'utiliser l'hypnose, même si le temps du bloc est un temps qui coûte plus cher. Et donc, il y a vraiment des bénéfices qui sont également des bénéfices qui vont dans le sens de la société actuelle, c'est-à-dire de pouvoir développer au mieux la santé des personnes, de leur offrir des pratiques en santé qui les mettent vraiment au centre de ce système, de leurs ressources, qui puissent agir au mieux pour leurs bénéfices et qui en même temps sont des pratiques qui offre beaucoup d'avantages pour la société, y compris l'avantage économique. C'était l'intérêt de cette émission. En tout cas, l'idée qu'on souhaitait questionner, c'était, voilà, est-ce que finalement, là, on n'est pas face à une nouvelle corde à l'arc à la fois de la recherche fondamentale en neurosciences, mais aussi dans un cadre vraiment concret d'hôpital et de thérapeutique. Bien sûr. Parce que pour l'exemple qu'on vient de voir de l'analgésie pendant l'intervention chirurgicale, en réalité, si on applique le modèle de ce qu'on a trouvé et ce que d'autres chercheurs comme Marie-Elisabeth Fémonville avaient montré auparavant, eh bien là aussi, ce que je vous disais pour les deux temps de la perception, c'est vrai aussi pour la douleur. Donc la douleur, d'ailleurs, si vous prenez la définition de la douleur, il y a une société internationale de la douleur, etc. La douleur, évidemment, est qualifiée comme une expérience consciente. Mmh. Et ça veut dire qu'en médecine, ce qu'on appelle le premier temps de la douleur, c'est ce qu'on appelle la nociception. C'est-à-dire une information qui a un potentiel de faire naître une expérience consciente de douleur chez un individu conscient, mais qui n'est pas encore cela. Et donc le premier temps de la douleur, qui on appelle la nociception, qui n'est pas conscient, probablement qu'il est tout à fait respecté là aussi. Simplement, le patient, lorsqu'il arrive par la suggestion à inhiber l'entrée de cette nociception dans son espace conscient, on retrouve le même schéma, le même méta-schéma que ce qu'on avait observé pour l'audition. C'est-à-dire que le premier temps inconscient à respecter, c'est moduler et inhiber la prise de conscience de cette information qui serait à l'œuvre. Et comme vous le disiez, je pense qu'il y a un champ énorme vers ce qu'on appelle les pathologies neurologiques fonctionnelles. C'est-à-dire qu'en gros, je ne sais pas si tout le monde est au courant de ça, mais vous avez 15-20%, le chiffre exact, de personnes qui vont se présenter à des urgences avec un trouble moteur, un mouvement involontaire, un trouble sensoriel, une cécité, une anesthésie. Et en fait, lorsqu'on va l'explorer, on ne va pas trouver de troubles neurologiques habituels, et on appelle ça les troubles neurologiques fonctionnels. Mmh. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais ça veut dire qu'ils relèvent d'une dynamique beaucoup plus complexe qui a à voir avec ce qu'on vient de dire aujourd'hui. Et l'hypnose et la suggestion hypnotique pourraient être donc des recours utiles dans le cadre de ces patients. Merci beaucoup à tous les deux, Lionel Nakache et Antoine Bioy, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Un grand merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique. À la technique aujourd'hui, c'était Marie-Claire Oumabadi. La Méthode Scientifique, c'est donc fini pour aujourd'hui, mais vous pouvez réécouter cette émission sur le fil sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. C'est ça, c'est à l'infini.